l'année passée où tu ne m'as pas laissé tomber. Je sais aujourd'hui que tu es né pour m'aimer, pour les ailes que tu m'as données, pour mes rêves réalisés, pour tout l'amour que j'ai trouvé en toi, pour toutes ces fois où tu restes près de moi, pour les vérités que tu m'as avouées, à mon tour de me livrer. Tu es ma force quand je suis faible, ma voix quand je ne peux plus parler. Tu es tout ce dont je rêvais, tu m'as montré de quoi mon cœur était capable. Toi mon sauveur quand je tombe, ma lumière dans les moments les plus sombres. Toi mon évidence, mon jour de chance. Toi l'amour de mes songes, ma vérité à travers les mensonges. Ma première pensée à mon réveil, la dernière à mon sommeil. La lumière de ton amour brille dans l'obscurité de ma vie. Tu m'as relevé, tu m'as donné une famille, tu me redonnes foi, car tu crois en moi. Et tes lèvres ont ce parfum de liberté auquel je n'aurais pu rêver. Tu es ma force quand je suis faible, ma voix quand je ne peux plus parler. Tu es tout ce dont je rêvais, tu m'as montré de quoi mon cœur était capable. Toi mon sauveur quand je tombe, ma lumière dans les moments les plus sombres. Toi mon évidence, mon jour de chance. Je t'attendais sans le savoir, tu es venu sans que je te prévoie. Tu es une évidence, la fin de mes années d'errance. C'est la providence qui me donne une seconde chance. Ou comment expliquer que tu es là à mes côtés. Je suis ancrée à ton port, mon monde est plus fort. Mon ange, mon doux trésor, quand je suis à tes côtés. Tu es ma force quand je suis faible, ma voix quand je ne peux plus parler. Tu es tout ce dont je rêvais, tu m'as montré de quoi mon cœur était capable. Toi mon sauveur quand je tombe, ma lumière dans les moments les plus sombres. Toi mon évidence, mon jour de chance.